Chapitre 2. Une rose pour la belle. Un an après leur arrivée à la campagne, le père reçoit une lettre. Un de ses bateaux est finalement rentré au port. Il doit donc partir pour la ville. Cette bonne nouvelle réjouit toute la famille. Hortense et Rosemonde espèrent enfin quitter cette campagne et vivre comme avant. Au moment du départ de leur père, elles lui demandent de rapporter des cadeaux. Des robes, des chapeaux, des parfums. La belle, elle, ne dit rien. Son père l'interroge. « Et toi, belle, tu ne désires rien ?» La belle ne veut pas que son père dépense son argent. Elle répond alors. « Il n'y a pas de rose ici. Peux-tu m'en rapporter une ?» Une fois arrivé au port, le père s'aperçoit malheureusement que le bateau est vide. On lui a tout volé. Il repart alors aussi pauvre qu'avant. Sur le chemin du retour, il pense à ses enfants et à leur déception. Après quelques heures de voyage à cheval, il traverse un grand bois. Il neige et le vent est très froid. Il tourne pendant des heures dans cette forêt, mais il ne reconnaît plus sa route. La neige recouvre les empreintes de son cheval. Il n'arrive plus à s'orienter. Où doit-il aller? Il est complètement perdu. Au loin, il entend des loups hurler. Il est terrorisé. Soudain, il voit une lumière au bout d'un long chemin. Il descend de cheval et décide d'aller dans cette direction. Après quelques minutes de marche, il découvre un immense château. Dans la cour recouverte de neige, règne un grand silence. Affamé, son cheval se dirige vers l'écurie pour manger. Le père frappe à la porte du château. Mais personne ne répond. Que faire? Finalement, il décide d'entrer. Il pousse la porte et se retrouve dans une grande salle. Dans cette pièce, il y a une table recouverte de nourriture et une énorme cheminée allumée. Comme il a froid, il va se réchauffer près du feu. Il s'installe sur une chaise et attend. Mais personne ne vient. Alors, affamé, il s'approche de la table et commence à manger. Ensuite, fatigué, il va dans une des chambres du château et s'endort dans un lit chaud et confortable. Le lendemain matin, quand il se réveille, il trouve des vêtements neufs sur une chaise. Comme c'est étrange! Ce château appartient sans doute à une bonne fée qui a pitié de moi, pense-t-il. Il regarde par la fenêtre et... Quelle surprise! La neige a disparu et le jardin est plein de fleurs. Il s'habille, impatient de connaître le propriétaire de ce merveilleux château. Il descend les escaliers. Et va dans la salle où il a mangé la veille. Sur la grande table se trouvent des biscuits, du chocolat et du lait. « Je vous remercie, bonne fée, d'avoir pensé à mon petit déjeuner !» dit le père en s'installant à table. Après avoir bien mangé, il décide de repartir. Il va récupérer son cheval et traverse le jardin rempli de fleurs. Il se rappelle alors du souhait de la belle et cueille une rose. À ce moment-là, il entend un bruit terrifiant. Il se retourne brusquement et voit s'approcher de lui une bête monstrueuse.